L'assimiloutin contre l'assimiloutin. Mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin. Ouf. Oh, en effet, tu m'as encore mis échec, mon ami l'assimiloutin. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as insisté pour qu'on vienne dans cette forêt de sapins jouer aux échecs. Ouf. Mais enfin, la prison passant existe au moins depuis 200 ans, mon ami l'assimiloutin. Oh mince, on nous dérange encore, mais qui peut bien appeler à cette heure-là? Oui, allô? Krusty, c'est bien toi, mon petit Krusty? Oh, grand merguez, hourra! Mon petit Krusty, ça va pas du tout. Je suis avec ton chien, là. Faut pas le laisser traîner n'importe où. Il m'a déterré tous mes géraniums. L'assimiloutin? Mais il est avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je le vois comme je le vois en face de moi. Mais nous sommes en train de jouer aux échecs en ce moment même dans une forêt de sapins. Mais ce que je te dis, il m'a déterré tous mes géraniums. Écoute, tu racontes vraiment n'importe quoi. Tu es certainement pris, comme toutes les personnes en fin de vie, d'une dégénérescence des cellules du cerveau. Oh, tu ne serais pas en train de dire que je suis sénile? Mais pas du tout, grand merguez. Allez, je te remercie de ton appel. Il faut que je te laisse, je passe sous un pont. Dans une forêt de sapins? Hourra! L'assimiloutin, l'assimiloutin, ça y est, j'ai raccroché, la partie peut recommencer. Mais où étais-tu encore parti? Ouf. Encore? Mais ça fait la 256e fois que tu pars te soulager au pied d'un de ces magnifiques sapins. Ouf. Oh oui, tu as raison, c'est la 256e fois. Hourra! Dring, dring. Oh, décidément, il n'y a vraiment pas moyen d'être tranquille, allô? Allô, Krusty Zosis? Encore toi, grand merguez? Hourra! Bon, écoute, quitte pas, je passe sur une ligne sécurisée. Oh, voilà, j'en avais marre d'avoir une voix à la con. Mon petit Krusty, écoute-moi, je suis avec ton chien, là, l'assimiloutin. Mais non, grand-mère, je suis avec l'assimiloutin. Tais-toi, on n'a plus le temps. Et j'ai compté tous les poils de l'assimiloutin et il en manque un. Comment? Un. Hourra! Mais qu'est-ce à dire, grand merguez? Eh bien, c'est certainement que quelqu'un lui a prélevé un poil pour accéder à son ADN et ainsi réaliser un clone de ton intelligent chien. Là, tu peux remarquer quelque chose de bizarre dans son comportement? Eh bien, en effet, il y a quelque chose qui m'inquiète. Je pense qu'il a une cystite ou quelque chose du genre. Il n'a de cesse d'aller se soulager au pied des merveilleux sapins qui nous entourent. Bon Dieu! Mais c'est bien sûr! Il doit s'agir du Père Noël que j'ai bien connu il y a 55 ans! Le Père Noël? Mais quel plan machiavélique peut bien être le sien? Le Père Noël est un être extrêmement égocentrique et il n'a pas supporté toute la prolifération des Pères Noël dans le monde entier! Il veut certainement reprendre le contrôle et le monopole des opérations! Dis-moi, mon petit Krusty, tu es un petit gars malin! Oui! Si jamais il n'y a plus de sapins, il n'y a plus de Noël! Mais je ne comprends pas! Eh bien, si jamais il n'y a plus de sapins, il n'y a plus de Noël! Évidemment, grand merguez! Hourra! Mais afin de déjouer ces plans machiavéliques, il faut bien se confronter au Père Noël! Et où le trouver? Dans ton... non, j'ai un meilleur plan! Arrêtons de nourrir le clone de l'assimiloutin! Et ainsi, rongé par la faim, il voudra retrouver son maître! Et ainsi, nous amènera tout droit à la cachette du méchant! Mais qui donc, grand merguez? Mais le Père Noël! Hourra! Quand le chien a la dalle, quelques heures plus tard, au supermarché. Hé, Père Noël! Père Noël! Oui, oui, oui, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Viens, viens, viens, viens, viens! Moi, j'avais... Non, ta gueule. Moi, j'avais demandé une PlayStation 2 l'année dernière. Je l'ai même pas eu. Mais... T'as qu'à prendre des chevaux Playmobil, c'est aussi bien. Oh, non, non, non, non, non. Je veux pas des chevaux Playmobil. Moi, je veux de la PlayStation 2 et je l'ai même pas eu. Alors, cette année, je la veux parce que j'étais hyper sage en plus. Et en plus, ma grand-mère m'a dit que si tu te balasais un peu devant la maison, et ben, j'aurais une PlayStation 2, donc je la veux. Mais écoute, tiens, là, c'est des Dorothée et un Pokémon. Allez, vas-y. Suivant. Non, c'est Asbin, Dorothée, je veux l'aurier. Suivant, je... suivant. Non, je veux l'aurier. Je veux un autre. Non, il joue une PlayStation 2. Tiens, petite fille, viens par là, toi. Qu'est-ce que tu veux pour le Père Noël? T'en vois là, clone de la 6000 Notre plan a marché. T'as pissé sur tous les sapins. Non, Père Noël, ça fait plus de 6 heures que je n'ai rien donné à boire à les 6000. Je crois bien que votre plan sera un échec clinquant. Hourra! Bravo, mon petit Krusty Saucisse. Tu as déjoué tous les plans de cette infâme Père Noël. Grâce à toi, tous les enfants du monde entier pourront fêter dignement un Noël avec des cadeaux. Ce n'est pas grâce à mon ami l'assimiloutin, et je suis le véritable héros de cette histoire. Mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin. Personne ne s'est demandé ce que je foutais là. Ben, je suis venu acheter une bonne barquette de sardou parce que j'aime bien ça.